Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton et les ondes du 93.6. On est ensemble ce soir en direct, donc le trio est bien présent pour passer deux bonnes heures d'émission ensemble, deux bonnes heures de par la qualité de la diffusion et deux bonnes heures parce qu'on n'est pas à la minute près niveau timing. Plein de choses à s'écouter ce soir, notamment 8 nouveautés internationales et françaises. On retrouve Entropia, Man Must Die, Body Farm, La Hesse et quelques autres qu'on vous présentera tout au long de l'émission. Émission qu'on va ouvrir d'ailleurs avec une première doublette et une nouveauté dans la doublette d'ouverture, Body Farm, le groupe de death metal qui se voit offrir de belles opportunités parce que de base ils sont en tournée avec Destroyer 666 et la formation qui nous vient des Pays-Bas a été propulsée sur la scène du Intertrum des Nonum samedi prochain suite à l'annonce du split de Endocean. C'est pas du tout Notion. Chapel of Disease. Voilà, c'est bon. Je commence déjà à avoir le cerveau qui flanche. Body Farm, qu'est-ce qu'on a dedans sur ce 5ème effort studio? 15 ans d'existence et toujours du death frontal et groovy. Vraiment, cette scène hollandaise en termes de death est ultra qualitative. Les gros noms, on ne les présente plus. Et on est vraiment sur un truc croisé entre du Jungle Rot et autres Balls Thrower et Cuckoo Hells of Bullets, qui est jamais très loin dans les inspirations. Et donc voilà, Body Farm, ce nouvel effort studio, Ultimate Abomination. La pochette est plutôt coolos, cela dit. Après au niveau des, des titres de morceaux, du titre de l'album, c'est rigolol. Et en doublette, là par contre ça rigole zéro, Imperium Decadence, l'excellente formation qui nous vient d'Allemagne, le groupe de Black Atmo, actif depuis une bientôt vingtaine d'années. Bientôt 20 ans, ça fait une vingtaine d'années. Le duo nous propose là un nouvel effort, toujours très très très quali, Into Sorrow Evermore, une sortie Napalm Records. C'est mélancolique, c'est à la fois frontal et atmosphérique, et les compos sont toujours généreuses, 5 à 8 minutes. C'est parti pour la diff, Body Farm Torment, extrait de l'album Ultimate Abomination, Imperium Decadence, Into Sorrow Evermore, le titre de l'album donc, et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission, c'est parti. Words and hollow minds. Yes, divine.

Deuxième doublette qu'on attaque de manière ultra violente avec les jeunes loups de Year of the Knife, le groupe de hardcore, Death Grind même, Rikin qui nous sort un EP, Dust to Dust, trois titres ultra efficaces et c'est frontal à souhait, c'est hyper bien inspiré. On va s'écouter le titre Victime, le morceau le plus plébiscité de ce petit EP. Et en doublette avec Year of the Knife, on va retrouver Live Scene. Le projet personnel de la chanteuse de Sister Sin, hein, Liv Jergel. Voilà, elle assure vraiment super vocalement après toutes ces années. Et on est dans une bonne veine heavy old school avec quelques inspirations un peu plus modernes. Et Year of the Knife, Victim, Liv Sin, le morceau Karma, extrait de l'album Kali Yuga. You victim, king of self. 20h26, pardon, à la pendule de Radio Béton. C'est l'heure de retrouver l'ami Thibaut pour la première fois dans l'émission de ce soir, qui viendra nous présenter son premier focus du jour. Salut. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Premier focus de la soirée, on va directement en Asie, plus précisément au Japon. Alors je pense que ça va être un tout petit focus, parce qu'il n'y a pas forcément une somme d'informations assez énorme sur le groupe, mais la sortie est intéressante. World End Man, un projet qui nous vient de Osaka. Comment définir le projet ? Ça va être du death saupoudré de hardcore. Pourrait-on dire du deathcore ? Je ne sais pas exactement, mais on n'est pas loin de ça. Un groupe formé formé en 2014. Ouais. Le premier album également en 2014, du coup. Ouais. Non. Non. EP en 2000. J'ai décalé mes dates, c'est ça. 2014. C'est bon, j'y suis. Très bien. 2014, parfait. Premier album 2018, avec un album qui s'intitule Use My Knife, un album de brutal death, comme je disais, teinté de hardcore, qui était bien bien gras, bien violent et déjà assez qualitatif. Pas grand chose à dire dessus à part aller l'écouter, parce qu'il était déjà vachement chouette. Et donc là, leur second album qui vient de sortir, Suffer Leader. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ensemble des membres du groupe? On voit, ils ont navigué un petit peu dans différents projets de death, de brutal death autour de la scène japonaise, mais pas que. Ils ont un petit peu navigué aussi avec des membres qui ont dû vivre un petit peu aux États-Unis et tout ça, parce qu'on retrouve des projets qui viennent de là-bas. Sur cet album, j'ai adoré la pochette. Je l'ai trouvée assez percutante. J'ai pas trouvé le nom de l'artiste qui a signé, mais elle est super belle. Elle est assez originale pour le style. Et ouais, j'ai trouvé. Voilà. J'ai vraiment trouvé que c'était une très belle pochette. Musicalement, on est sur du death teinté de hardcore. C'est groovy, comme pas permis. Enfin, vraiment, s'il y a un mot pour définir le projet, c'est vraiment ultra groovy. Par moment, la comparaison est un peu facile, mais par moment, on va retrouver du Dying Fetus. On va retrouver cette ambiance, du death avec une petite touche de hardcore. Là, avec un hardcore quand même plus présent, on l'entendra, mais avec des mosh parts qui viennent ponctuellement casser quelques mâchoires pendant le morceau. Et au final, ouais, t'as un rendu qui est frontal, bestial, parfois gratuitement méchant. Et c'est tout ce qu'on attend en fait du projet. C'est super bien foutu. Tout est pensé au service du groove pour que ça danse, pour que ça fonctionne bien. Et voilà, un projet intéressant et beaucoup beaucoup moins brouillon que ce qu'ils avaient proposé sur l'album précédent. Donc voilà, travail beaucoup plus abouti, réussi, porté par une pochette qui est très très classe. Parfois on va aller frôler un petit peu les limites du deathcore moderne dans sa définition moderne. On va aller tâter de ce côté-là. On a même un morceau de clôture qui va se rapprocher de ce qu'on peut avoir avec du power américain, avec des trucs comme Lamb of God, vraiment cet aspect ultra groovy, légèrement hardcore, et qui fonctionne encore une fois super bien. Le dernier morceau, il clôture parfaitement l'album. Voilà, pas forcément à mon goût la sortie de l'année, mais c'est un projet qui est bien foutu, avec une approche qui est peut-être pas originale, mais qui fonctionne en tout cas, et que j'ai super bien accroché. Je sais pas toi comment tu as. Si le truc est le projet musical est super cool. Bon, on est sur un album assez court, hein, à peine 26 minutes. Le dernier titre dont tu parlais, c'est le morceau le plus long de l'album. Moi, je connaissais surtout le chanteur pour ses sessions, notamment dans Devour the Unborn et autres groupes de brutal death. Il est passé notamment par Stage of Decomposition, etc. Et là, je trouve que au niveau de son chant, il exploite pas grand chose de ses capacités. Je trouve que le chant est un peu trop linéaire à mon goût. Mais dans l'ensemble, sinon, t'as parfaitement bien décrit la musique et les intentions de World End Man. On va s'écouter le titre Unnecessaries, comme tu disais, rehaussé de break. C'est pour ça que j'ai choisi le morceau. Hein, à la fois du break et à la fois du groove. Et l'album s'intitule Suffer Leader. Et somme toute, c'est sorti en autoprod. C'est parti pour illustrer le premier focus de ce soir. Be a part of us, people who are better than us, never. doublette suivante avec une nouveauté pour attaquer cette doublette, les très très bons écossais de Man Must Die. Ça fait partie de ces groupes que j'ai affectionné vraiment il y a quelques années. C'était pour moi les Misery Index européens. Vraiment ce grindcore hardcore ultra frontal, un peu tech mais pas trop. Le groupe est actif depuis 20 ans maintenant et ça fait 10 ans qu'il n'avait rien sorti depuis le très très bon Peace Was Never an Option. Et si, ils nous ont démoulé un petit EP en 2019. Voilà, les présentations sont faites pour Man Must Die, hein, même si là sur le nouvel Effort Studio, il y a encore une dimension moderne qui est abordée, ce qui nous rapproche un peu d'un Decapitated. Et j'avoue que je vais découvrir ça en même temps que vous, parce que j'ai pas du tout eu l'occasion d'écouter les extraits qui ont été mis à disposition. Et ensuite on a Sonelion, groupe de black qui nous vient du Portugal, actif depuis une quinzaine d'années. Ils sortent là leur second album studio. On est sur du black qui pratique à fond le folklore satanique. C'est virulent dans le style, dans l'imagerie, dans les intentions, hein, un peu à la sauce Belphégor. Vraiment le côté haineux et malsain très très mis en avant. Et à côté de ça, on n'a pas que du bourrin, puisque musicalement c'est hyper travaillé et recherché. Et voilà, The Demon of Hate, le nom de ce second effort studio de Sonelion. On s'est contacté The Innards and Shadows, Man Must Die, Patterns in the Chaos, extrait de l'album The Pain Behind It All. C'est parti. We'll be right back. Doublette suivante dans l'émission. Doublette qui met en avant des musiciennes, puisqu'on a tout d'abord les Anglais de Pest Control, emmenés par une vocaliste. Don't Test the Pest, c'est le nom de ce premier effort studio. Donc on est sur du trash crossover hardcore hyper frontal et terriblement efficace. Hein, dans les grandes inspirations, bien évidemment, on peut citer Municipal Waste, mais avec ce petit truc en plus. La formation est toute récente, hein, ça fait 3 ans qu'ils ont vu le jour. 11 titres pour 20 minutes, c'est rapide, efficace, et encore une fois, la chanteuse arrache vraiment tout. Et en doublette, on retrouve Love Bites. On est sur du Heavy Power Speed qui nous vient du Japon, de Tokyo plus précisément. Et là, on est sur une formation 100% féminine. Le groupe existe depuis 2016. Elles sortent là leur quatrième effort studio, Judgment Day. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de prestations musicales ? C'est hyper dynamique, c'est tubesque à souhait. Techniquement, c'est énorme pour le style pratiqué. C'est vrai que d'habitude le Heavy Speed un peu power, ça va être assez rabarbatif. Là non, ça va chercher carrément plus loin. On est même à deux doigts de la virtuosité sans que ça tourne à la démonstration cependant. Et puis la prod est ultra soignée pour vraiment valoriser chacun des éléments. Ça va chercher ses inspirations dans les 90s avec ce qu'on pouvait trouver du côté de Angra, Stratovarius ou même Blind Guardian pour les morceaux les plus soignés. Et cependant, même si les inspirations sont piochées dans les 90s, ça reste très actuel dans le rendu global. Pest Control, le titre Struck Down, extrait de l'album Don't Test the Pest. Love Bites ensuite. We Are the Resurrection, extrait de l'album donc Judgment Day. C'est parti. We'll be right back. On attaque tout de suite l'aspect française et du contenu dans cet aspect française, puisqu'on a un focus et quelques nouveautés. On retrouve donc Thibaut pour la seconde fois de l'émission d'aujourd'hui pour nous présenter le second focus de fait, et cette fois un focus français. Tout à fait, un focus français pour un groupe qui nous vient de Lille, Dark Old Slaves, un groupe qui nous propose du Brutal Death, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. De plus texan. Ouais, voilà. Un groupe formé en 2005, on va dire un groupe qui prend son temps dans sa production, parce qu'ils ne sont pas spécialement très, très prolifiques globalement. Ils ont sorti un album en 2014 qui s'intitule Transcendental State of Absolute Suffering. Un album qui est déjà des compositions extrêmement solides, mais à mon sens desservi par un son qui est un petit peu trop cru pour ce qu'il propose musicalement. Et je trouve que bah voilà, c'est un peu dommage pour cet album, mais il faut quand même aller l'écouter parce qu'il vaut le détour tout de même. Et donc là, leur second album, qui sort 8 ans après le précédent, Mephitic Redolence of the Decomposed. Donc comme je disais, le groupe, ouais, il prend son temps, ouais, 9 ans entre les deux albums. Le premier album, c'est pareil, il est sorti 8 ans après la formation. Enfin, c'est vraiment un groupe qui prend le temps de proposer ses projets. Que dire sur le line-up ? On notera la présence de Mathieu Dessin, donc notamment batteur dans Sublime Cadaveric Decomposition. Depuis peu, c'est ça. Depuis peu, tout à fait. C'est une grosse machine de guerre derrière les fûts, donc c'est un vrai, vrai plaisir de l'entendre taper là dans ce projet. Et clairement, il est présent, on l'entend. On note également, j'avais noté parce qu'on en a parlé il y a un an déjà maintenant, Mathis, guitariste de l'excellent projet Cenotaph, le projet turc de Brutal Death Slamisant. Exactement, donc voilà, Mathis a rejoint la formation effectivement pour le dernier album et il les accompagne sur les trois quarts de leurs concerts. Ouais, complètement. Et bah, voilà, pour dresser le portrait de l'album, on a aussi une pochette qui est certes ultra classique, mais réussie, qui fait le taf. Est-ce qu'on attend autre chose que des personnages avec des bières à la main en pleine décomposition et voilà. T'attends pas autre chose et tu regardes la pochette, t'attends pas autre chose et surtout t'écoutes la musique et t'attends pas autre chose non plus. Il y a vraiment tout dans le projet. C'est pas comment. Globalement, c'est vraiment du Brutal Death, tout ce qui se propose de plus classique avec une touche de slam par-dessus. C'est bête, c'est frontal, mais c'est bien branlé, c'est efficace. Et que dire, ouais, la couche slamming qui vient rajouter cette couche de groove par-dessus. Clairement, pour moi, c'est un des projets les plus intéressants qu'on a dans l'Hexagone en termes de Brutal Death, parce que je trouve que c'est vraiment solide. Et ouais, bah, comme je disais pour le projet précédent, mais des fois, c'est vraiment gratuitement bête et méchant. Et c'est tout ce qu'on attend de ce style-là, en fait. Donc voilà. Ouais, bah, je suis parfaitement d'accord. Dark Old Slaves, on a eu la chance de les avoir en Touraine il y a 10 ans, au détour d'un Lush and Grind. À noter que le groupe sort son album sur le label New Standard Elite, un des labels les plus efficaces et les plus spécialisés au monde pour sortir ce genre de prod musical. Et Dark Old Slaves joue assez peu, mais joue toujours bien, tout comme ils sortent des albums, des productions studio avec un grand écart de durée. Je veux dire, les mecs, ils font des scènes aux US, ils font des scènes un peu partout dans le monde. C'est des dates très ponctuelles, mais c'est des super belles dates. Et ils jouent ponctuellement aussi en France. Donc voilà, Dark Old Slaves a un projet qui dure dans le temps et qui prend son temps, mais qui est toujours aussi qualitatif. Ouais, complètement. Et voilà, bah après, un album, c'est 30 minutes. Clairement, il ne fallait pas plus, parce que je trouve que bah voilà, 30 minutes, c'est ce qu'il faut pour développer. Mais c'est tellement... c'est assez monolithique ce qu'ils proposent et c'est pour ça les morceaux, j'ai un peu peiné à choisir un morceau spécifiquement parce que bah en fait ça peine un petit peu à se démarquer les morceaux les uns des autres. La globalité du projet, ah, c'est très monolithique. Ouais, complètement. Et voilà, il faut pas plus de temps que ces 30 minutes qui nous déroulent pour ne pas se lasser d'un projet comme ça, parce que c'est vraiment bien fait, mais ça peut être trop sur la longueur. Voilà. Eh ben, les présentations sont faites donc avec Dark Old Slaves. On va s'écouter le titre Cacophrenic Upper Perception, extrait donc de l'album Mephitic Redolence of the Decomposed, sorti chez New Standard Elite, et ça permet d'attaquer l'aspect française.